Cours numéro 7. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Qala al-imam Abu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala, ذكر الحث على لزوم الحياء وترك القحة. Ce sixième chapitre, l'imam Ibn Hibban, rahmatullah alayh, il a cité un comportement très très important. لزوم الحياء. الحياء est la pudeur. وترك القحة. القحة c'est l'inverse. C'est ne pas avoir de pudeur. ففي هذا الباب المهم, il a cité ce comportement bénéfique الحياء. والحياء الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عرفه إلى cité une définition de الحياء de la pudeur في فتح الباري قال الحياء خلق يبعث صاحبه على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. Donc الحياء c'est un comportement qui pousse celui qui a cette pudeur dans son cœur à délaisser القبيح, à délaisser les mauvaises choses. وكذلك يمنع أي صاحبه أو صاحبه, il empêche كذلك أو cette pudeur elle empêche celui qui la possède من التقصير في حق ذي الحق, أي de ne pas respecter ses engagements, de ne pas respecter les droits des autres. ولا شك أن أعظم الحقوق c'est حق الله سبحانه وتعالى. Le droit le plus important c'est le droit d'Allah عز وجل. Et le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'on l'adore. « Na'buduhu wa la nushrik bihi shay'an azza wa jal kama ja'a fi al-hadith. » Donc, « Hada al-khuluq al-azim al-haya » donc la pudeur, ça va pousser le muslim au bien. Et « Kadhalik » ça va être une cause « Anna al-muslim » il s'écarte du mal. « Qala rahimahullah, akhbaran al-fadl ibn al-hubab al-jumahi » قال حدثنا القعنبي عن شعبة عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Donc النبي صلى الله عليه وسلم il a cité هذا الخلق العظيم, ce comportement que tous les prophètes ils avaient. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي celui qui n'a pas cette pudeur, فليفعل ما شاء. أي que celui qui n'a pas de pudeur, فقل fasse ce qu'il veut. العلماء, ils ont expliqué ce hadith. On peut lire كلام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. Celui qui veut des détails sur ce hadith, فليراجع les شروحات de الأربعين النووية. لأن الإمام النووي رحمه الله إلى ستة حديث في الأربعين بيان سور من أفضل الشروحات بل سي أفضل شرح لإكسبليكاسيون دو الإمام ابن رجب رحمه الله جامع العلوم والحكم. قال قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت في معنى قولان, أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. Bien sûr, ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas de pudeur, pour lui, c'est autorisé de faire ce qu'il veut. Abadan. Là, هذا c'est que قول الله عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه. Est-ce que ça veut dire que l'insan il a le droit d'adorer ce qu'il veut en dehors d'Allah عز وجل? Là, هذا c'est من باب الذم. C'est من باب الذم. C'est pour montrer que cette chose elle n'est pas autorisée. فهذا c'est un قول. ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء ولكن على معنى الذم. Ça montre hein, celui qui n'a pas de pudeur, ce manque de pudeur, il va le pousser à faire ce qu'il veut, des choses mauvaises. Et bien sûr, ces choses mauvaises, c'est interdit. Le deuxième قول, قال رحمه الله أنه أمر ومعناه الخبر والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء. نعم, قوله فصنع ما إذا لم تستحي فصنع ما شئت. C'est un ordre en apparence, لكن المراد هنا c'est un khabar, c'est une information. أي celui qui n'a pas de pudeur, il fera ce qu'il veut. Ça sera ça son comportement. Son manque de pudeur, il va le pousser à faire ce qu'il veut. Aïe, ceux qui n'ont pas de pudeur, ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite entre al-halal ou al-haram. Leur manque de pudeur, ça les pousse à faire kathir min al-muharramat. Raji' kalam Ibn Rajab, rahimahullah, on l'a khtasar jiddan, wa illa ba'il mufid. Qala al-imam Abu Hatim, rahimahullah, fal-wajib ala al-aqil luzum al-haya, li'annahu aslu al-aql, وبذر الخير وتركه أصل الجهل وبذر الشر هذا الخلق العظيم ce bon comportement la pudeur c'est أصل العقل والخير beaucoup de ben le bien il est fondé sur la pudeur et le fait de délaisser cette pudeur ça va pousser au mal فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بالخير. الحديث اللي في الصحيحين. الحياء لا بدر. elle n'emmène que du bien. قال والحياء يدل على الفضل كما أن عدمه دال على الجهل. هذا on le voit أن ceux qui sont pudiques tu trouves أن الناس يحبونهم ils sont aimés auprès des hommes pieux. كذلك هذا الحياء les pousse à faire énormément de bien. وهكذا السحياء les éloigne de beaucoup de شر. والعكس أن عدم الحياء أو قلة الحياء ça pousse à l'ignorance. قال كما أن عدمه دال على الجهل. كم من الناس à cause de leur manque de pudeur ils disent des choses et ces choses c'est un délit de leur ignorance. C'est une preuve que c'est des ignorants. Comme les gens, ils blessent les autres à cause du manque de pudeur. قال ومن لم ينصف الناس منه حياؤه لم ينصفهم منه قحته. ثم قال رحمه الله la page suivante. قال أبو حاتم رحمه الله الحياء اسم يشتمل على مجانبة المكروه من الخصال. كما تقدم معنا. الحياء c'est un comportement que le mu'min il possède ou il doit faire des efforts pour l'acquérir. Et ce comportement, il va pousser ce mu'min à délaisser al-makruh min al-khisal. Et les mauvais comportements, les mauvaises paroles. Kadalik, celui qui est pudique, il ne se mêlera pas des affaires des autres. Kadalik, celui qui est pudique, il ne commettra pas des péchés en public. Bel, celui qui est pudique, qui a had al-haya, même quand il est seul, fa yastahi min Allah. Sa pudeur, elle lui rappelle, quand il est seul et shaitan yuswis lahu de faire des péchés, il se rappelle « An Allah subhanahu wa ta'ala yara »« An Allah subhanahu wa ta'ala alimun bidhati sudur »« An Allah subhanahu wa ta'ala » Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. « Falihada qala wal haya'u haya'an » La pudeur, elle se divise en deux. « Ahaduhuma » استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه. Et ça c'est من أنفع الخلق. هذا c'est très très profitable pour le croyant. هذا الحياء. Pourquoi يستحي من الله? Pourquoi ce mu'min il a cette pudeur à ce moment? لماذا? لأن الله سبحانه وتعالى lui a tout donné. خلقه وأنعم عليه وهداه وأكرمه بالإيمان بالعافية الله سبحانه وتعالى il a tout donné à ce croyant il l'a créé il lui a donné la bonne santé il lui a donné la foi il lui a guidé il lui a facilité il l'a comblé de nombreux bienfaits فهذا المؤمن qui a هذا الحياء العظيم ce comportement très très profitable à ce moment il se rappellera أن الله سبحانه وتعالى il le voit أن الله عز وجل il l'entend قال رحمه الله On répète, استحياء العبد من الله جل وعلا عند الاهتمام بمباشرة ما خطر عليه. Ça, ça nous montre l'importance كذلك de connaître Allah عز وجل. L'importance de connaître les noms d'Allah عز وجل, ses attributs. Il y en a plus l'insan il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus il le craindra. Plus il connaît Allah subhanahu wa ta'ala, plus dans ces moments, il se rappellera. أن الله عز وجل c'est le raqib. C'est le Sami, c'est le Basir, Jalla wa Ala. Donc, ça c'est le premier comportement. Istihya ul abd min Allah. Qal wa thani, استحياؤه من المخلوقين عند الدخول فيما يكرهون من القول والفعل معا. La deuxième catégorie, الحياء أو الاستحياء هنا قال من المخلوقين. أي par rapport aux autres. La pudeur, elle doit nous empêcher de se mêler des affaires des autres, de dire des paroles qui blessent les autres, de rentrer dans des domaines qu'on ne maîtrise pas. حياء من الله عز وجل. Pourquoi ? Parce qu'on doit craindre Allah عز وجل أولا. Et ثانيا كذلك, on doit avoir cette pudeur par rapport aux autres. قال والحياء جميعا محمودا. Bien sûr, les deux catégories qu'il a citées, la pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala et la deuxième envers les créatures, ces deux pudeurs, bien sûr, elles sont recommandées, elles sont très très profitables. قال إلا أن أحدهما فرض والآخر فضل فلزوم الحياء عند مجانبة ما نهى الله عنه فرض. هذا il n'y a aucun doute. أن avoir cette pudeur et s'écarter des péchés. لماذا لأن المؤمن craint Allah سبحانه وتعالى et il a cette pudeur, فلا شك أنه c'est une obligation. قال ولزوم الحياء عند مفارقة ما كره الناس فضل. Ça dépend. Ça dépend avec al-makhlouq. Naam. Et l'exemple qu'il a cité, on a naam, c'est recommandé. Ibn Rajab, rahimahullah, toujours dans le même livre, la même source qu'on a cité précédemment, Al-Jami' bayan al-ilm wal-hikam, il a cité un autre taqsim profitable. Il a cité deux autres catégories, et on peut les citer on a pour compléter. Qala, rahimahullah, wa'lam anna al-haya naw'an. C'est dans autre chose, dans un autre point. Anna al-haya, deux catégories. Ahaduhuma ma kana khalqan wajibillan ghayr muktasib. La première catégorie, et vous allez comprendre pourquoi ces deux autres catégories, c'est par rapport à la pudeur. Est-ce que cette pudeur, on la possède naturellement dans notre cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain avec cette pudeur, ou cette pudeur, tu peux l'acquérir avec des efforts? La première catégorie, ma kana khalqan wajibillah, ghayr muktasab. Khalqan, l'insan a été créé hakada, wajibillah, ça fait partie de sa fitra, de sa saine nature. Et cette pudeur, Allah t'a créé avec, ou non? Ou pas? Qal wa huwa min ajal al akhlaq, allati yamnahuha Allah al abd, wa yujwiluhu alayha. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا ياتي الا بخير. Le hadith, on l'a cité. La deuxième catégorie, ما كان مكتسبا من معرفه الله ومعرفه عظمه وقربه من عباده واطلاعه عليهم. La deuxième catégorie, حياء, une pudeur qu'on peut acquérir, qu'on peut améliorer. C'est pour ça que هذا الكلام c'est une bouchra pour le mu'min. Même s'il a eu, et ce croyant ou cette croyante, une certaine éducation avec un manque de pudeur de la part de ses parents ou de ses responsables ou l'environnement dans lequel il vit, le mujtama, ils ont un manque de pudeur clair. Enfin, là, chacun a cet enfant qui grandit dans cet environnement, il sera touché. Lakin, abshir, avec les efforts, tu peux acquérir cette pudeur. La solution, c'est d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal. De faire des efforts fil ilm. De faire des efforts fil ilm al-aqida bil akhas. Purifier son cœur. Min al-khurafat wa min al-riya, d'ostentation. Et tout ce qui contredit la vérité. قال وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور فهذا من أعلى خصال الإيمان. Ça fait partie des plus hauts degrés de la foi. De connaître Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir la conviction qu'Allah nous voit et nous entend. هذه العقيدة, elle va avoir pour fruit et elle va كذلك purifier ce cœur حتى la pudeur elle s'installe dans ce cœur. Et avec les efforts, cette pudeur elle augmentera. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlihi. Et beaucoup de comportements, c'est comme ça. Beaucoup de comportements, ils sont naturellement dans le cœur de certains. Et كذلك, avec les efforts, l'insan peut acquérir ce comportement ou l'améliorer. Wallahu a'lam. هذا الكلام donc min jami' al-ulum wal-hikam. قال رحمه الله: وأخبرنا إسحاق ابن إبراهيم القاضي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ابن سعد عن عقيل عن الزهري أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يوما وهو يخطب: أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد الغائط إلا وأنا مقنع رأسي حياء من الله عز وجل. الصحابة رضي الله عنهم إذا بس comportement, هذا الحياء qui les a poussés à faire énormément de bien. Et ولله الحمد, ils ont suivi le prophète صلى الله عليه وسلم محبة واقتداء. Et من هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه, il avait cette pudeur. Et كذلك on peut citer حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض. Une femme, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم comment se laver après الحيض. الحيض, c'est la période des menstrues, les règles. Cette femme, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم comment se nettoyer, et après les règles. فأمرها كيف تغتسل. النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a dit de se laver, de se nettoyer. ثم قال, il a précisé عليه الصلاة والسلام, ثم خذي فرصة من مسك فتطهري بها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a conseillé de prendre un peu de مسك. المسك, c'est من الطيب, c'est du parfum, et de se nettoyer, أي cet endroit. فقالت كيف أتطهر بها. Cette femme, elle a insisté, elle voulait plus de détails. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment je dois faire. قال النبي عليه الصلاة والسلام, النبي صلى الله عليه وسلم, il a répondu بقوله تطهري بها سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم, il lui a dit nettoie-toi avec هذا المسك. ثم il a dit سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جيني. قال الراوي واستتر وأشار سفيان ابن عيينة, أي celui qui a rapporté le hadith, un des rapporteurs, l'imam Zoufian, et bi yadihi ala wajhi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand cette femme a insisté, et comment faire, elle voulait des détails, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a répondu, tu te nettoies, subhanallah. Thumma, il a mis sa main sur son visage, haya'an, la pudeur, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous montre, un al-mu'min, dans certains domaines, tu ne peux pas tout dire. C'est pour ça qu'on doit être... On doit être lucide et concentré dans ce genre de mawqif inda al-fatwa avec ahlul ilm. Le savant, il ne pourra pas tout dire. Rien le savant. Et le prophète, alayhi salatu salam, qabla dhalika huna, il te cite des ishara. Il ne dit pas tout. La shakana al-murad huna, il est wadih. Se nettoyer avec al-misk, hada c'est ma'rouf. Lakin cette femme, elle a insisté, fa nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a mis sa main sur son visage. Haya'an. Ay, il a été gêné. Alayhi salatu wassalam. Qalat Aisha radiyallahu anha, wa ishtadabtuha ilayya. Thumma Aisha radiyallahu anha, elle était présente. Elle a tiré cette femme auprès d'elle. Elle lui a expliqué. Ça nous montre anna ba'd al-kalam entre les femmes, c'est possible. Na'am. La femme, elle comprend l'autre femme. Elle a vécu la même chose. Elle peut lui citer certaines choses. Amma l'homme, avec ton père, tu ne peux pas tout dire. Avec tes enfants, tu ne peux pas tout dire. Et ça, c'est un khuluq tayyib. On a beaucoup de hadith. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pour dire certaines choses, il employait d'autres mots. Amma être cru dans le langage comme certains. Khassatan ma yata'allaq bi amr an-nisa, hada, ça fait pas partie de la pudeur. On doit craindre Allah azza wa jal et on doit faire attention à l'éducation des ennemis de l'islam. Oula, c'est comme des animaux, ils n'ont pas de haya, ils n'ont pas de pudeur. Enfin, ils disent des choses, certains, si tu es en compagnie de tes parents ou de tes enfants et t'entends, ça met mal à l'aise. On doit s'habituer à ça. On doit se corriger, on doit s'améliorer, on ne peut pas tout dire. Certaines choses, tu n'as pas besoin d'être cru d'être direct certaines choses, une ishara, ça yakfi. L'ishara est un signe, une tournure de phrase qui va montrer l'objectif visé. قال أبو حاتم رحمه الله الحياء من الإيمان والمؤمن في الجنة والبذاء من الجفاء والجافي في النار. Cette partie c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قوله الحياء من الإيمان jusqu'à والجافي في النار. Ça c'est un hadith du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu et l'imam الألباني إلا الصحاح دون الصحيحة. الحياء من الإيمان. La foi, ça fait partie de l'Iman. Et جاء في الحديث الآخر الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. لا شك أن la pudeur, ça fait partie de la foi. والمؤمن في الجنة. Et le croyant, il ira au paradis. والبذاء من الجفاء. البذاء, c'est al-fuhsh. C'est le contraire de la pudeur. C'est al-fuhsh, su'ul-khuluq, le mauvais comportement, la vulgarité, être vulgaire. Wal-jaf, min al-jafa, wal-jafi fin-nar. Tout cela, ça pousse au feu, yadam billah, ses péchés. Qala illa an yatafaddal Allahu alayhi wa rahmatihi, fa yukhallisahu minha. C'est pour ça qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala an yutahhir qulubana. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous facilite la mise en application de ses comportements. On doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ajoute de la pudeur dans nos cœurs. فَالْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, comme j'ai dit le hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam marra, il a vu un homme et certains ils essayaient de, tellement que cet homme il était pudique, certains ils essayaient de lui dire ça suffit cette pudeur, pourquoi il a akhiré. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال تركوه. Laissez-le. الحياء لا يأتي إلا بخير. C'est pour ça qu'on doit encourager nos enfants à cette pudeur. C'est pour ça, fais attention dès leur plus jeune âge. خاصة encore plus pour les filles. Les habituer à la pudeur, à se couvrir, ne pas faire certaines choses devant tes enfants, qu'ils ne te voient pas dans certaines situations. À un niveau tenue vestimentaire, à un niveau langage. لماذا لأن الولد من صغره يتأثر جدا. L'enfant dès le plus jeune âge et il est touché si il vit dans un environnement où il n'y a pas beaucoup de pudeur. فلهذا on doit faire attention. ثم قال رحمه الله فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير منه موجودة كما أن الوقح إذا لزم البذاء كان وجود الخير منه معدوما وتواتر الشر منه موجودا. نعم. On a compris ولله الحمد أن le bien il est lié à la pudeur et le mal il est lié au manque de pudeur. الوقح c'est صاحب القحة. Et تقدم معنا أن القحة c'est le manque de pudeur. قال لأن الحياء هو الحائل بين المرء وبين المسجورات كلها. فبقوة الحياء يضعف ارتكابها إياها وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها. صحيح أن هذا الحياء cette pudeur qui est dans le cœur du mu'min, cette pudeur elle l'empêche de dire certaines choses, de faire certaines choses, d'aller dans certains endroits, et ça c'est une ni'ma azima. وبالعكس le manque de pudeur كما تقدم معنا بعض الناس ils disent des choses, بعض الناس ils ont un manque de pudeur clair. Ils sont prêts et ils s'autorisent à dire des choses devant les gens. Et là, chacun a ces choses, ça pousse au mal, ça pousse au péché. Et ça fait beaucoup de mal à cet homme ou cette femme qui n'ont pas de pudeur. ثم قال رحمه الله الواجب على العاقل أن يعود نفسه لزوم الحياء فإن من أعظم بركته تعويد النفس وركوب الخصال المحمودة ومجانبتها الخلال المذمومة. Ça nous montre qu'on doit faire des efforts. قوله أن يعود نفسه. On fait attention, on a déjà fait ce tambih, cette remarque, et on la refait ici. Fais attention de ne pas croire que tu n'es pas capable de mettre en application certains comportements. Que ce soit la douceur, que ce soit la pudeur, que ce soit le fait d'être véridique, que ce soit la modestie, que ce soit les bonnes paroles, etc. Mouhim, tous les comportements qu'on va voir, Walillah ilham, tu es capable. Ne laisse pas Shaitan te faire croire, Anna, tu peux pas. Yaqulun, moi je suis comme ça. Je suis né comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Là, je te dis, fais des efforts. Fais des efforts. Et si tu ressens un manque de pudeur, fais demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te facilite. Et aouid nafsak, tu t'habitues. Tu t'habitues dans ton langage, dans la façon de t'habiller, dans la façon de te comporter, dans la façon de parler aux autres. Tout ça, tu t'habitues à cette pudeur. Qala fa inna min a'zam barakatihi ta'wid an-nafs wa rukub al-khisal al-mahmuda wa mujanabatha al-khilal al-madhmuma. Na'am, s'habituer à faire les bonnes choses et à délaisser les mauvaises. Qala kama anna min a'zam al-istihya min Allah al-fawz min an-nar bi-luzum al-haya 'inda mujanabati ma nahaa Allah 'an. Na'am. Ça c'est bien sûr notre objectif, ça doit être en tout cas notre objectif. أن من أعظم الاستحياء من الله الفوز من النار أي النجاة من النار. Notre but c'est avec هذا الحياء, cette pudeur. ف on disait أن نعم هذا الحياء من الله سبحانه وتعالى. Bien sûr, ça va pousser le mu'min à délaisser الحرام. Ça va pousser le mu'min à se repentir حياء من الله عز وجل. Et tout ça, c'est des causes pour être préservé du feu. قال لأن ابن آدم مطبوع على الكرم واللؤم معا في المعاملة بينه وبين الله تعالى والعشرة بينه وبين المخلوقين وإذا قوي حياؤه قوي كرمه وضعف لؤمه. On a tous cela dans notre cœur, du bien et du mal. Celui qui fait des efforts pour que le bien prenne le dessus, falhamdulillah. Alhamdulillah, il avancera dans son dit. Il améliorera son comportement. Celui qui faiblit, qui ne fait pas d'efforts, qui ne purifie pas ce cœur, qui donne aucune importance à cela, فربما لؤمه كما قال ابن حبان هنا لؤمه اللؤم c'est le mal, son mal qu'il a dans son cœur prendra le dessus et ça lui fera beaucoup de mal. قال وإذا ضعف حياؤه قوي لؤمه وضعف كرمه. On a déjà expliqué أن المؤمن لابد أنه ne baisse pas les bras. Il y en a dans ton cœur, il y a cette lutte d'aïmal entre le bien et le mal. Falihada al-mu'min, tant qu'il est vivant, il ne doit pas baisser les bras. Fais des efforts, akhi al-karim. Allah subhanahu wa ta'ala ghafourun rahim. Combien de gens, walillahi alhamd, se sont améliorés? Combien de personnes, ils ont fait des efforts et leur situation, elle a complètement changé? Fala tayas, ne désespère jamais. Allah subhanahu wa ta'ala karim. Qala wa laqad anshadani علي ابن محمد البسامي إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. نعم celui qui a هذه القحة أنه لا يبالي. Vous avez déjà remarqué, بعض الناس لا يبالون. ربما ils sont dans une assise et il y a beaucoup de monde, ils disent des choses, ونعوذ بالله. بعضهم même leur position, comme ils s'assoient, comme ils gesticulent, comme ils parlent, tu ressens un manque de pudeur flagrant. قال ولم يكن للدواء ولا للشيء ولا للشيء ولم يكن للدواء ولا للشيء يعالجه به فيه غناء فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. صحيح بعض الناس c'est très compliqué. Pas de haya, pas de pudeur. Ils sont pas prêts à accepter la vérité. فلا تدعي نفسك. لا تتعب نفسك مع هؤلاء. Montre le haq. Et on veut le bien pour les autres. لكن بعض الناس ils ne veulent pas le bien pour eux-mêmes. Ils rejettent la vérité. Ils ont un manque de pudeur. ربما il te blessera. فكما قال فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. ففي هذا الحال ولله الحمد, beaucoup de gens ils sont prêts à accepter la vérité. Beaucoup de gens ils ont un bon comportement. Beaucoup de gens ils respectent ceux qui appellent à la vérité. فالحمد لله, montre à هؤلاء. قال أبو حاتم إن المرء إذا اشتد حياؤه صانع عرضه ودفن مساوئه ونشر محاسنه. الإنسان كي هذا الحياء في قلبه صانع عرضه. Il va préserver son honneur. Combien de gens ils sont accusés في عرضهم? Pourquoi? À cause d'un manque de pudeur. Ils vont au mauvais endroit. Ils parlent avec les mauvaises personnes. Ils disent des choses فيفضحون, et ça touche à leur honneur. أما celui qui est pudique, Il parle avec ceux à qui il doit parler. Il va aux endroits dans lesquels il doit aller. Il s'écarte des doutes. Il s'écarte du haram. Alhamdulillah, là, son honneur, il sera préservé. Même si quelqu'un est ment, il l'accuse à tort. Enfin, cette accusation, elle se retournera contre le calomniateur, contre celui qui veut du sort. Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve ses alliés. قال ودفن مساوئه ونشر محاسنه. نعم, avec la pudeur, tu enterreras tes défauts, tes péchés. لماذا؟ لأن même celui qui a beaucoup de pudeur, on n'est pas infaillible. Mais cette pudeur, elle va t'aider à enterrer tes défauts. Et كذلك à propager tes محاسن, tes qualités, tes bons comportements, tes حسنات. قال ومن ذهب حياؤه ذهب سروره. ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت. صحيح ان celui qui n'a pas de pudeur, il ne sera jamais heureux. Et هذا on le voit في حال الكافرين, tellement qu'ils n'ont pas de pudeur, ça devient des cibles, ça devient comme des objets, عياذا بالله. Et on le voit là dans les réseaux sociaux, هذا il attaque, هذا il se moque, هذا il insulte, هذا il calomnie, et tout ça, ça les rend tristes. قال ومن ذهب سروره هان على الناس ومقت. Et celui qui n'est plus heureux, qui n'a plus هذا الحياة, il n'aura plus de valeur auprès des gens, et les gens, عياذا بالله, ils le piétineront. قال ومن مقت أوذي ومن أوذي حزنا. Et bien sûr, tout ça fera du mal à cette personne et ça la rendra triste. قال ومن حزنا فقد عقله. Celui qui est triste, il perdra son عقل. صحيح, كم من الناس à cause de la tristesse, ils se font beaucoup de mal. Ils ne sont plus lucides. قال ومن أصيب في عقله كان أكثر قوله عليه لا لا. Thomas, cette tristesse, on répète, qui a pour source le manque de pudeur, ça va pousser هذا الإنسان à ne plus maîtriser sa langue, à ne plus maîtriser ses faits et gestes. Il se fera du mal et il fera du mal aux autres. قال ولا دواء لمن لا حياء له ولا حياء لمن لا وفاء له. Bel, celui qui a un manque fiada, il ne désespère pas. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala min fadlih. Lakin, celui qui ne fait pas d'effort, bien sûr, et il aime ce manque de pudeur, il l'utilise, fahada la shak annahu, il n'aura pas de dawa, il n'y aura pas de remède contre cette maladie. قال ولا وفاء لمن لا إخاء له ومن قل حياؤه صنع ما شاء وقال ما أحب. هذا شأن الكافرين ومن تأثر بهم. Pas de haya, pas de pudeur. Enfin, ils disent ce qu'ils veulent et ils font ce qu'ils aiment. Ils suivent leur passion. Exactement comme des animaux. فلهذا هؤلاء, ils appellent au dévergondage, à la liberté. Tout ça, ça contredit la pudeur. Ils ont des mawaqif, ils font des choses en public au nom de la liberté, que ce soit la liberté d'expression ou la liberté de la femme, des choses, na'oudou billah. Ils ont changé de sexe, min rajul ila mra'a ou min mra'a ila rajul, hakada, au nom de la liberté. Fahaoula, c'est min sharril bariyya kama akhbar Allah subhanahu wa ta'ala. هذا الخلق خلق عظيم. Le comportement de la pudeur, c'est un comportement très très profitable pour المؤمن. Avant de finir, اعلم أخي الكريم أن أعداء الإسلام يحاربون الأمة الإسلامية من هذا الباب. On doit bien prendre هذا en conscience. On doit être sûr de hada. Anna al-kafirin, ils combattent al-muslimin min hada al-bab. Ay bab al-haya, ay la pudeur. Hatta idha dhahab al-haya, qalla al-khayr fi al-mu'minin. Limadha li anna si al-mu'min manque de pudeur, son bien il diminuera. Et il sera exposé aux passions. Il sera exposé aux ambiguïtés. Il sera exposé à l'égarement. Akhraja ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء. Le comportement de l'islam, c'est الحياء, c'est la pudeur. الحديث حسنه الإمام الألباني. أي un des comportements fondamentaux, essentiels, c'est la pudeur. Falihada, les ennemis de hada din, ils combattent ce comportement. Qala l'imam Ibn Qayyim rahimahullah fi miftah dar as-sa'ada, khuluq al-haya min afdal al-akhlaq wa ajallaha wa a'zamaha qadran wa aktharaha naf'an. Ce comportement de la pudeur qu'on a étudié ensemble aujourd'hui, ça fait partie des comportements les plus profitables pour al-mu'min. Limadha li anna c'est la source de tout le bien, al-haya, la pudeur. قال بل هو خاصة الإنسانية بل c'est ce qui distingue l'être humain de des animaux par exemple الحياء قال فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتها الظاهرة et celui qui ne possède pas de pudeur même si c'est un être humain. C'est un être humain. Pourquoi? Parce que, naam, en apparence, c'est un être humain. Il a le corps d'un être humain. قَالَ كَمَا أَنَّ لَيْسَ مَعْهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٍ Naam, celui qui n'a pas de pudeur, il n'a pas de bien. C'est pour ça que tu trouves أَقَلَّ النَّاسِ حَيَاءً C'est الْكَفَرَ الْمُجْرِمُونَ أَعْدَاءُ اللَّهِ أَنَّهُمْ Ils sont très très loin de la pudeur. C'est pour ça que وَبَعْضُهُمْ وَاللَّهِ ils sont comme des animaux. Et là, on a déjà fait la remarque plusieurs fois. Et on peut citer à notre époque. On vit à une époque, Allahu A'lam, l'humanité elle n'a jamais atteint ce niveau dans le manque de pudeur. On peut citer quelques exemples. Parmi ces exemples, tabarruj an-nisa wa al-uri wa al-ikhtilat bil-rijal. عيدا بالله هذا المظهر اي ça s'est amplifié à notre époque تبرج النساء que les femmes elles se dévêtissent كذلك الاختلاط la mixité حتى tu différencies plus dans certains endroits entre الرجل والمرأة entre la femme et l'homme dans le comportement فعلى المرأة المؤمنة ان تحافظ على دينها المؤمنة Encore plus as-sunniya salafiyya, encore plus celle qui fait des efforts fil ilm, elle ne doit pas suivre la vague. Et elle doit être convaincue anna les flèches des ennemis de l'islam ils sont pointées sur elle da'iman, laylan wa naharan, nuit et jour. Falihadha al-mu'mina yajibu 'alayha an tuhafid 'ala diniha wa 'irdiha. Elle doit préserver sa religion, elle doit préserver son honneur. Et المؤمنة لها أسوة طيبة في الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. Et المؤمنة, la croyante, elle doit prendre comme modèle les femmes des compagnons رضي الله عنهم. Et les femmes croyantes qui vivaient à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام الصحابيات. C'est eux le modèle. أما prendre pour modèle الفاسقات الفاجرات الكافرات الملعونات de notre époque فهذا ça fait que du mal. Combien de filles musulmanes des croyantes qui ont été élevées chez des parents pieux et elles ont été élevées avec cette pudeur ثم à cause d'un mauvais modèle à cause d'une porte qui n'a pas été fermée cette jeune fille mu'mina elle perd sa pudeur. Elle perd son honneur. Ayyadam billah. Ta'ammalou. Ces deux exemples. Le premier. Aisha. Radiyallahu anha. Al-mu'minin. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-siddiqa. Bintu as-siddiq. Radiyallahu anhum ajma'in. Kanat tadkhul. Awaitaha. Alladhi dufina bihi. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et abouha son père. Radiyallahu anhu. Elle rentrait chez elle, à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était enterré chez elle, et kadalik, son père. Donc son mari et son père, ils étaient enterrés chez elle. فقالت رضي الله عنها, كنت أدخل بيتي, فأضع ثوبي, وأقول إنما هو زوجي وأبي. Donc, à cette époque, quand elle rentrait chez elle, elle enlevait certains de ses vêtements, bien sûr, elle est chez elle, et l'endroit où que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et Abu Bakr, radiyallahu anhu, ils sont enterrés. c'est dans une partie de Al-Hujra, de la pièce. Donc, Aïcha radiallahu anha, quand elle se retrouvait dans cet endroit, elle avait enlevé certains de ses vêtements et elle disait, c'est que mon père et mon mari qui sont enterrés. Et il n'y a aucun mal. قالت فلما دفن عمر quand Omar il a été enterré à côté de Abu Bakr radiyallahu anhum ajma'in قالت فوالله ما دخلت الا وانا مشدوده على ثيابي على ثيابي حياء من عمر. Elle a juré, après que Omar il fut enterré dans cet endroit, elle n'est jamais rentrée dans cet endroit de la pièce sans un vêtement sur elle. Limada حياءً من عمر, par pudeur. Pourquoi? Parce que Omar il était enterré. تأملوا أن هؤلاء الأخيار, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, et ses deux compagnons radiyallahu anhum, ils sont sous terre. Et Aïcha radiyallahu anha, elle est vivante, alors qu'eux ils étaient décédés. Ma'ahada, sa pudeur l'a empêché de se dévoiler en présence de Omar qui était enterré sous terre. الأثر أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه. فسي المؤمنة elle prend pour exemple مثل عائشة رضي الله عنها, فلا شك أن ça va l'aider. نحن الآن on vit à une époque أن نعوذ بالله, certaines femmes elles n'ont plus de limites devant leur mari, devant leur père, devant leur frère. Détenu والله تستحي أنت tu regardes, تستحي être en présence de certaines. ربما certaines, elles font partie de ta famille. Et تستحي. أما هذه الصالحة الصديقة رضي الله عنها, elle a eu ce comportement. Et Allah سبحانه وتعالى, il l'a élevé. Deuxième exemple. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. Quand عطا ابن أبي رباح, ou plutôt ابن عباس, il a dit à عطا ابن أبي رباح, est-ce que tu veux voir une femme de الجنة? Il lui a dit نعم. Thomas lui a montré la tombe de هذه المرأة السوداء, cette femme noire qui est à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام. قال رضي الله عنه هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف. Cette femme qui est venue voir le Nabi صلى الله عليه وسلم, et elle lui a dit يا رسول الله أسرع, elle faisait des crises رضي الله عنها, et قالت إني أتكشف, et elle perdait certains de ses vêtements, elle se dévoilait. قالت فدعو الله لي, elle a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم, faites dua pour moi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. النبي صلى الله عليه وسلم lui a donné le choix. Pourquoi? لأن المؤمن il est éprouvé في هذه الدنيا. Si elle patiente jusqu'à sa mort cette épreuve, elle aura le paradis. Et si elle veut, النبي صلى الله عليه وسلم il fait dua pour elle, elle sera guérie. فقالت اصبر, elle a choisi la patience. Ça c'est l'iman. C'est l'iman, elle avait le choix. تعلمون ان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم il était forcément plutôt exaucé. Toujours. فالنبي صلى الله عليه وسلم s'il aurait fait dua sur le champ, هذه المرأة elle aurait été guérie. لكن elle a préféré la patience. ثم قالت اني اتكشف. Donc النبي صلى الله عليه وسلم quand il lui a dit je fais dua et tu patientes, ça concernait la maladie. Lakin, il y a un point, le fait de faire des crises, c'est une chose, et le fait de se dévêtir, c'est une autre. Enfin, cette femme, elle a dit, Ya Rasulallah, inni atakashab. Elle lui a dit, mais Ya Rasulallah, je perds mes vêtements quand je fais ces crises. Fadoullah li. Elle lui a demandé au prophète sallam de faire du'a que sur ce point. Pas sur la guérison pour ces crises, là, que le fait de ne pas se dévêtir. فَدَعَ لَهَا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ. Un Nabi صلى الله عليه وسلم, il a fait dua pour elle. Qu'est-ce que ça nous prouve, هذا? Ça nous prouve que هذا المرأة, même en tant que, dans ces temps de crise qu'elle faisait, tout sera. Pourtant, la femme qui se dévêtit dans ce moment, elle est excusée, elle est mal, elle n'a, c'est pas de son propre regret. مَعَ هَذَا مِنْ شِدَّةِ الْحَيَةِ. Elle ne voulait pas se dévêtir, même en temps de quand elle faisait ses crises, radiyallahu anha. Fama balugbi, al-mar'a qui est en bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui lui a donné ses ni'am, et elle expose tout cela aux autres. Pourquoi? L'imad ali, anna, c'est un manque, une faiblesse dans la foi. Faliyattaqillah al-adha, un conseil à tous les pères, wal-azwaj, kadhalik, au mari, qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala concernant leurs filles et leurs femmes. Ba'dou l'aba ou l'azwaj, tu les vois, yamchouna fi shari', ils sont dehors et ils sont accompagnés par leurs filles ou leurs femmes, et cette fille ou cette femme mutabarrija. Robama il marche avec sa femme et des autres, il regarde sa femme. Là, c'est un manque de pudeur. Là, c'est une faiblesse dans la foi. Certains pères, ils ont atteint un certain âge. Ils sont à la retraite. Ils ont fait le hajj. Ils ont une apparence de muslim. Et ils sont accompagnés de leur fille dehors. Wallahi, tu as honte à la place de ce père. Et al-musiba, c'est que certains, ils sont conseillés. Le père lui-même, il défend la fille. Ka'anna al-haya wa sunna wa... Tout ce qui est lié à l'islam, c'est pour les vieux. Enfin, quand elle est jeune, elle doit profiter. Il ne faut pas être dur. C'est un manque de pudeur. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu anna cette fille, si de son plus, dès son plus jeune âge, elle est éduquée à l'al-haya. Et son père, il lui montre la gravité de porter des vêtements moulants. Ou de se dévêtir. D'exposer sa zina devant les autres. فهذه المرأة فغرانديرا على هذا الحياة والله بإذن الله عز وجل elle ne pourra pas, elle ne pourra pas mettre certaines tenues, elle ne pourra pas dire certaines choses. Je trouve بعض النساء في الشارع elles osent la voix plus que les hommes. عياذا بالله, ça c'est un manque de pudeur. فلا يجوز, on doit craindre Allah سبحانه وتعالى. كذلك autre chose, أيتها الأخت, fais attention de ne pas propager sur les réseaux sociaux ta photo. Ça fait beaucoup de mal à l'mar'a. Combien de femmes elles ont été accusées avec des montages, elles se sont retrouvées dans des situations. Wallahi, ça leur a gâché leur vie. On doit craindre Allah, on ne doit pas se faire du mal avec nos propres mains. Wa min al-ajaib, on vit à une époque anna ba'd an-nisa qui porte le hijab et qui aiment le din, et qui font certains efforts, tu les trouves, elles-mêmes, elles s'exposent dans les réseaux sociaux. Maquillées et la akhira. Fana'oudu billah min qillat al-haya. A'jabu min dhalik, encore plus étonnant. Ça ne veut pas dire que le péché est plus grave, là, à quel niveau étonnement c'est encore plus étonnant. Mar'a, qui aime la sunna, qui pratique sunna, robama, qui porte al-hijab al-shar'i, et qui couvre tout le corps, et elle se prend en photo et elle expose sur les réseaux sociaux. Awalan, c'est quoi la faïda de propager cette photo? Et cette femme, elle est toute couverte. Et thaniyan, hada la yajouz, c'est interdit hada. Les ulama, ils ont démontré hada, c'est une cause de fitna. Sans parler à cette femme, elle est exposée robama au mauvais œil, elle est exposée à la sorcellerie, etc. Mais la faïda, ihmadillah, prends exemple sur Aïja. Elle n'a pas voulu. Elle n'a pas voulu être dans une situation qui lui était permise en présence de Omar. Enfin, que dire exposer, même si on porte, même si cette femme plutôt elle porte le jilbab, même si elle porte un niqab ou un sitar, et elle s'expose hakada sur les réseaux sociaux. Comme minannas, ils vont regarder. Et on répète, c'est quoi le faïda? On est en train d'étudier ce livre, Rawdatul Uqala, on doit faire des efforts pour faire partie de l'Uqala. Ça, c'est un da'f fil aql d'exposer hakada sa photo en tant qu'homme ou en tant que femme. Et encore plus pour al-mar'a. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-hidayah lil-jami'a. Kadhalik, et on finit avec hada min mazahir qillat al-haya. Parmi les choses qui se sont propagées à notre époque, et c'est un manque de pudeur clair, ma yahsul min ba'd al-shabab annahum yaghtasiloun uryanan, annahum ils se lavent, certains jeunes, avec d'autres jeunes, ils se lavent nus dans les vestiaires après tel ou tel sport. Ça, c'est min qillat al-haya. Lianna al-awra, les parties intimes, on n'a pas le droit de les exposer, de les montrer à un autre. Et dans ce genre de vestiaire, il y a munkarat kathira. Al-muslim, il doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des mafasid de certains sports. Ta'ammal hadith أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض certains de Banu Israël, ils se lavaient en groupe, ils étaient plusieurs et ils étaient nus. Et yandru ba'dhum ila sawati ba'd. Et certains ils regardaient les parties intimes de, des autres. Wa kana Musa alayhi salam yaghtasil wahda. Ar-Rasul al-Karim kalimullah subhanahu wa ta'ala Musa sallallahu alayhi wa sallam, هو يسلاف السل. لماذا؟ لأنه c'était un rasoul, il faisait partie de Ulul Azm et il avait cette pudeur dans le cœur, il ne pouvait pas se laver avec Haoula. Abadan, il se lavait seul. فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر لفتة جميلة هنا. أن quand ou si tu contredis Haoula qui manque de pudeur, ils te critiqueront directement. Moussa, il a été critiqué. Ils ont dit, il ne se lave pas avec nous. Limadha li'annahu adar. Adar, c'est il a une maladie dans ses parties intimes. Directement les accusations. Limadha li'anna, quand tu es différent des autres, ils t'accusent. Fala tartar, même s'ils appellent à la tolérance, la liberté, c'est des kadhaboun. Si tu es différent d'eux, pourtant il n'y a aucun doute. Anna l'aqil, n'importe quel doué de raison. S'il a le choix entre se laver en groupe et les gens, il regarde ses parties intimes ou seul, il va dire, la chèque, celui qui se lave seul, il a un rang plus élevé, il a un bon comportement. Mais ils l'ont critiqué. قال فذهب مرة يغتسل حكمة الله سبحانه وتعالى مرة موسى, il est parti se laver, comme il avait l'habitude, seul. فوضع ثوبه على حجر. Il a posé ses vêtements sur un rocher et il voulait se laver derrière ce rocher. قال فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه. الله سبحانه وتعالى il a décidé que هذا الحجر, ce rocher, il s'est déplacé très très rapidement avec les habits de Moussa qui étaient sur lui. فقال فجمح موسى بأثره يقول ثوبي حجر ثوبي حجر. Moussa il s'est mis à courir derrière ce rocher et il criait ثوبي حجر, et rends-moi mes vêtements. حتى نظر بنو إسرائيل إلى سوءة موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس. Tout ça pour que بنو إسرائيل eux-mêmes de leurs propres yeux voient Moussa أنه il n'a aucun problème, aucune maladie عليه الصلاة والسلام. لكن il se lavait seul par pudeur. الحديث متفق عليه, le lafd qu'on a cité c'est lafd muslim. فاتق الله أخي الكريم. Fais attention, ne suis pas la vague. Tu veux faire du sport, prends exemple sur Moussa. Moussa, il se lavait tout seul. Enfin, fait du sport seul. Si le fait de faire avec des autres, ça implique ce genre de choses graves. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Fais du sport avec tes frères. Al-mu'minin, as-salihin. Thumma malmani, après le sport, tu rentres chez toi et tu te laves chez toi. Malmani. Amma, dans ses vestiaires, yadam billah, fasad, wa fujur, et des mauvais comportements, et certains, ils filment, ils prennent en photo, et tout ça, ça fait du mal. ومؤمن أخيرا احذر أن يمنعك الحياة من قول الحق أو فعل الحق. Et attention كذلك que la pudeur elle ne te pousse pas à délaisser la vérité ou à ne pas appliquer la vérité. Les annavardanas ils ont de la pudeur, mais cette pudeur elle n'est pas limitée, elle n'est pas maîtrisée, contrôlée avec le Coran ou le Sunna. فربما cette pudeur elle les empêche de dire la vérité ou d'appliquer une sunna. قال عز وجل والله لا يستحي من الحق. Et Aïcha radiyallahu anha قالت كما في صحيح مسلم نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. Parmi les qualités des femmes des Ansar et les habitants de Médine radiyallahu anhun, Aïcha l'a dit, أن parmi leurs qualités leur pudeur elle ne les empêchait pas d'apprendre leur dit. La bud min hada al-qayd wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-thabat wa al-tawfiq. Alhamdulillah, on a fini ce chapitre et on est mardi aujourd'hui et jeudi on lira le chapitre suivant bi idnillah azza wa jalla.